Chapitre 32. Au-dessus d'Elfrona. Ultident Margrona, ou juste Dent depuis son adolescence, elle détestait le prénom Ultident, le trouvait affreusement guindé, retira violemment son masque et le laissa tomber sur le sol du cockpit. Rien à faire si ces stupides mineurs voyaient son visage. Elle avait besoin de respirer, besoin d'air. « Ils sont derrière nous, Dent !» s'écria Crampon. « Et ils nous rattrapent vite !» Elle était au courant. Les Jedi avaient légèrement touché leur moteur d'un tir de blaster et ils ne pouvaient plus les pousser au-delà de 80% de leur capacité. Ils avaient obtenu un sentier par l'Ournadi qui devait leur permettre de quitter le système. Mais leur réacteur à sentier avait besoin de calculer le saut à partir d'une zone spécifique située dans le puits de gravitation d'Elfrona. Et cet endroit était trop loin pour qu'ils puissent le rejoindre avant que les Jedi ne les rattrapent. Elle avait entendu pas mal de rumeurs sur ce que ces vecteurs étaient capables de faire. Ils avaient beau avoir l'air frêle, ces vaisseaux pouvaient démonter le leur tir après tir. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ils allaient se retrouver avec un moteur totalement hors service, à flotter dans le vide, et ensuite la situation se transformerait en prise d'otage, et quelle issue y aurait-il à ça ? « Tu es un nuage », se dit-elle. « Tu ne serais pas un nuage si tu n'étais pas futé. Tu n'es pas une de ces idiotes de foudre. Utilise tes méninges, dompte la tempête. » Si les Jedi venaient à neutraliser leur vaisseau, il pourrait menacer de tuer les deux gosses et le père le temps que quoi? Les Jedi n'allaient pas laisser une bande de Nihil kidnappeurs leur échapper. Ils finiraient par prendre l'appareil d'assaut, tueraient probablement Dent et son équipage sur le champ. La justice à la pointe du sabre. À moins qu'ils ne les envoient en prison sur Elfrona à la place. Peut-être. Ça sentait mauvais dans les deux cas. Un échec complet, pas très Nihil. Elle imaginait sans peine ce que tout le monde dirait. « Vous vous souvenez de cette nana-là, Dent ? Elle a réussi à foirer la mission la plus simple de la galaxie, un simple kidnapping sur une planète paumée. Elle a réussi à se faire tuer et toutes ses foudres avec elle, quel abruti !» Elle eut une pensée fugace pour les deux foudres qu'elle avait laissées sur la planète et qu'elle avait rapidement comptées pour perdues. Elle se dit qu'il était possible qu'Ega et Rel soient encore en vie quelque part, là en bas, à se battre pour défendre la bonne cause. Deux foudres loyales faisant ce que leur nuage leur avait ordonné. Ils étaient tous deux si stupides. Obéir à ses ordres alors qu'il était évident qu'elle les envoyait se faire tuer pour gagner un peu de temps et permettre à Mac, Crampon et elle de quitter la planète avec le colis. Non, ces deux imbéciles étaient morts, c'était obligé. D'ailleurs, ils n'avaient pas essayé de la contacter. Or, s'ils avaient liquidé le Jedi, ils auraient appelé pour qu'il passe les chercher. Songea-t-elle. C'était censé être la mission la plus facile de la galaxie. Elle avait été si fière d'y avoir pensé toute seule. Elle avait entendu parler de ces quatre personnes qui voulaient recommencer à zéro dans la bordure extérieure pour vivre de façon authentique, en coupant les ponts avec leur famille fortunée sur Alderaan. Ça l'avait rendue folle. Ils avaient tout, ces Blight, et ils avaient tout envoyé balader pour aller jouer dans la boue. Mais il y avait des gens qui n'avaient jamais ce genre de choix. Ils étaient nés dans la boue et ils y mourraient également, des gens comme elle. Jusqu'au jour où elle avait rencontré les Nihil, en tout cas. L'Ournadi l'avait recrutée en lui faisant une promesse. Ils étaient tous ensemble dans le même vaisseau, formaient une famille, sa nouvelle famille. Tout ça avait l'air tellement bien. Et ça fonctionnait aussi. Elle était devenue nuage et avait trouvé des foudres bien à elle pour lui obéir. Ça commençait vraiment à prendre forme. Puis elle avait eu cette idée d'enlever les Blight et d'exiger une rançon à leurs riches grands-parents sur Alderaan. Son orage, convaincue qu'elle tenait quelque chose, l'avait soumise auprès de l'Ournadi elle-même qui, à son tour, l'avait présentée à Mark Yonro, enthousiaste également. Elle avait alors reçu les sentiers nécessaires pour mener la mission à bien. C'était supposé fonctionner comme sur des roulettes. Et bim, des Jedi. Chef ! Qu'est-ce qu'on va faire, chef ? Crampon le casse-pied, égal à lui-même. C'était lui qu'elle aurait dû envoyer dans les collines tendre une embuscade aux Jedi. Mais c'était le mari d'une cousine éloignée, un membre de sa famille en quelque sorte, ce qu'elle avait de plus proche en tout cas. Des lasers frôlèrent l'avant du cockpit, un tir de sommation. Installé au canon, Mac répliqua aussitôt, mais connaissant ses aptitudes d'artilleur, Dent se doutait qu'il y avait peu de chances qu'il réussisse à abattre un Vector. Les appareils se déplaçaient comme des fantômes à coups de virevolte et de looping impossibles. Comme les Jedi eux-mêmes, en fait. Dent tendit la main et pressa quelques boutons sur son tableau de bord. Elle n'était pas censée appeler pendant les missions, les signaux risquaient d'être interceptés et pistés, mais qu'avait-elle à perdre? Une voix jaillit du comlink. C'était son orage. Un huguenot aussi drôle que charmant, appelé Zouvleur Tom. Dent ! S'exclama-t-il, manifestement content de l'entendre. Tu as de bonnes nouvelles pour moi ? Tu as récupéré les colis qu'on t'avait envoyés chercher ? Je les ai, répondit-elle en essayant de retirer toute marque de panique dans sa voix. Mais on est tombé sur un os. Des Jedi. Ils nous pourchassent. Le vaisseau a pris un coup. On ne va pas être capable de rejoindre le point de transfert avant qu'ils ne nous rattrapent. On a besoin d'un autre sentier et vite. On n'a pas encore quitté l'atmosphère, donc ça risque d'être un peu plus compliqué que d'habitude. Des Jedi, tu dis ? Zouvleur n'avait plus l'air content du tout. Un sentier à une altitude aussi basse ? Ajouta-t-il. Le puits de gravitation de la planète risque de poser souci. Tu demandes beaucoup, là, Ultident. Dent fronça les sourcils. Elle avait un jour révélé son vrai prénom à Zouvleur lors d'une fête, dans un moment de camaraderie imbibée d'alcool, et à présent il s'en servait comme d'une arme. Nabo abject. À se croire différent et supérieur aux autres juste parce que c'était un orage. Alors que ce n'était qu'un sale huguenote. Si elle parvenait à s'en sortir, elle lui verserait du poison dans sa boisson la prochaine fois, et elle se marrerait bien quand sa face hideuse deviendrait toute noire. « Donne-moi tes coordonnées. Je vais devoir les remonter jusqu'au sommet. » dit l'orage. « Ne rappelle pas. Soit je te recontacte pour te donner un nouveau sentier, soit tu te débrouilles. » La transmission fut coupée. « Réfléchis, » pensa-t-elle. Ce serait long d'attendre que Zouvleur parle de ça aux autres orages. Puis il choisirait de prévenir ou non l'Ournadi, et ce serait à elle de décider s'il demandait un nouveau sentier à l'œil ou s'il l'abandonnait à son sort. Elle n'était qu'un nuage. Ses chances étaient maigres. Mais elle savait que les Blight étaient précieux. Et si on parvenait à les extraire de ce guépier, tout le monde en sortirait gagnant, y compris Zouvleur, y compris l'Ournadi et même Markion Rowe. C'était comme ça que le système fonctionnait. C'était la raison pour laquelle les Nihil étaient une réussite. Tout le monde faisait les choses à sa façon, vivait comme il le souhaitait, s'emparait de ce qu'il voulait, et tout le monde y trouvait son compte. Donc c'était dans l'intérêt de tous de maintenir le système. Mais si les Jedi les attrapaient avant que tout ça remonte au sommet, personne n'y gagnerait quoi que ce soit. Ultident margrona la première. « Mac, » appela-t-elle. « Ouais, » répondit-il en continuant d'arroser les Jedi qui les pourchassaient sans faire mouche une seule fois. « Prends un des gosses, la gamine, et balance-la par le sas. » « balbutia Mac, pris de doute. « Quoi, tu as des scrupules maintenant ?»« Non, je m'en fiche, mais c'est qu'on a déjà perdu l'humaine adulte. » Si on perd encore un prisonnier, c'est la moitié de notre part qui disparaît. Espèce d'abruti, avait-elle envie de hurler. Qu'est-ce qu'on en a à faire du fric, alors que si on ne file pas rapidement d'ici, on n'aura ni bénéfice, ni crédit, ni même la vie sauve. Tu seras mort, pauvre débile de foudre. Les Jedi vont essayer de sauver la gamine, expliqua-t-elle avec toute la patience dont elle était capable. C'est toujours ce qu'ils font. Ça pourrait nous laisser une chance de déguerpir. Mac grommela, puis elle l'entendit se lever et se diriger vers l'arrière du vaisseau où les trois derniers Blight étaient ligotés. Dompte la tempête, Dent, se murmura-t-elle. Dompte la tempête, et tout ira bien.